Bienvenue à Mélomanes sur les ondes du 99.1 et 88.9 CFNJ-FM ou encore en direct sur CFNJ.net de partout dans le monde. Mathieu Lajoie au micro en ce 10 février 2021. Encore une fois, très content de vous retrouver ce soir. Et je pense qu'il y en a parmi vous qui vont aussi être très contents cette semaine, surtout après s'être fait bardasser assez solidement mercredi passé avec notre radio pirate métal. Évidemment, c'était pas pour tout le monde, mais il y en a quand même qui étaient aux anges, beaucoup de fans de métal dans la région, c'est pas surprenant. D'ailleurs, gros merci, comme toujours, pour vos commentaires d'appréciation. On n'oublie pas, soit dit en passant, groupe Mélomanes, Facebook Mélomanes, partagez-moi ça, adhérez si c'est pas déjà fait. On est à la veille d'atteindre un beau gros chiffron de 1000 membres et sky's the limit. Donc, je compte sur vous autres si vous appréciez nos rendez-vous à chaque semaine. Et sinon, ben comme je disais, ceux qui ont encore les oreilles qui sillent de la semaine passée, eh bien, vous allez avoir un beau répit ce soir parce que, comme en témoigne notre indicatif un peu différent qu'on entend en ce moment, on se prépare pour une soirée réconfortante. Ambiance feutrée, feu de foyer, guitare à la main. Une émission 100% acoustique en cette troisième édition du Mélomanes Unplugged 99.1 et 88.9 CFNJ. What a beautiful face I have found in this place that is circling all around the sun. What a beautiful dream that could flash on the screen in a blink of an eye and be gone from me. Soft and sweet, let me hold it close and keep it here with me. And one day we will die, and our ashes will fly from the aeroplane over the sea. But for now we are young, let us lay in the sun and count every beautiful thing we can see. Love to be in the arms of all I'm keeping here. There are lights in the clouds and his ghost all around. Hear a voice as it's rolling and ringing through me. Soft and sweet, how the notes all bend and reach above the tree. Boarded up the storefronts, sent everyone home. No one was driving, the air was all clean. Just one of the reasons I was grateful to breathe. What were we doing? What did we know? Before we all noticed a hole in the boat. Sinking and swimming, thinking we're living. Ran out of lipstick to put on the pig. So don't rock me back to sleep, 'cause I'm wide awake and I'm done with counting sheep. I've had it that way, and it's not my job, but it might be my turn to get up and put in the work. So this won't have to be the last song on earth when there's nothing to do and all day to do it. If you don't use your kindness, you're likely to lose it. And it's only human to step outside the door, phone, keys and wallet, and a little unsure. What were we doing? What did we know? Before we all noticed a hole in the boat. Sinking and swimming, thinking we're living. Ran out of lipstick to put on the pig. So don't rock me back to sleep, 'cause I'm wide awake and I'm done with counting sheep. I've had it that way, and it's not my job, but it might be my turn to get up and put in the work. So this won't have to be the last song on earth. What were we doing? What's the excuse? Can't turn off the world like we turn off the news. Took off the blinders, learned how to listen. Remember this feeling and hope for forgiveness. Don't rock me back to sleep, 'cause I'm wide awake. Turn to get up and put in the work, so this won't have to

oui, c'est à Mélomanes que ça se passe ce soir sur les ondes de CFNJ 99.1-88.9. Comme à tous les mercredis où on ne sait jamais trop vers où le vent va souffler, eh bien ce soir, une belle émission tout en douceur, 100% acoustique, comme à chaque fois qu'on fait un Mélomanes Unplugged. D'ailleurs, vraiment désolé auprès de Marie-Josée Dubé qui vient de m'écrire dans le groupe Facebook Mélomanes. Elle me dit « C'est mon anniversaire aujourd'hui, ça me ferait vraiment plaisir d'entendre Deadly Sinners de 3 Inches of Blood. » Malheureusement, premièrement, comme je l'ai dit, premièrement, bon anniversaire, vraiment, ça m'aurait fait plaisir, mais ce soir, ça risque de jurer pas mal. Le pire, c'est que pour faire exprès, la semaine passée, comme vous en rappelez, c'était entièrement métal. On est vraiment short d'une semaine, malheureusement. Mais là, c'est ça, ce soir, écoutez, on aurait tombé en mode nos chaises à entendre ça, du 3 Inches of Blood. C'est pas si éveillé que ça, mais quand même, dans le cadre de toutes les autres pièces de la soirée. Ça avait été un varié, j'aurais pu facilement brancher ça quelque part, mais là, ce soir, malheureusement. Mais on souhaite quand même bon anniversaire à Marie-Josée Dubé, qui est nouvellement membre du groupe Facebook Mélomanes. Mais là, ce soir, c'est le réconfort, parce qu'on en a besoin de réconfort de temps en temps, et c'est ce que nous a procuré, je l'espère, le premier bloc au travers duquel on vient tout juste de passer, et qui s'est terminé sur une magnifique chanson de 1984 du groupe The Smiths, que dire de « Please, please, please let me get what I want », chanson toute brève, mais non moins un immense classique dans le catalogue du groupe, qui va être grandement responsable du retour de la guitare dans le monde inondé de synthétiseurs des années 80, et surtout dans une musique plus alternative, un autre genre de guitare, pas nécessairement celle des Guitar Heroes, des Shredders, des groupes de glam, donc littéralement une alternative intéressante et rafraîchissante qu'on a pu entendre juste après un autre acteur très important de la scène anglaise d'à peu près les mêmes années. On était avec Peter Murphy juste avant, qui s'est fait tout d'abord connaître comme leader de Bauhaus, qui sont des pionniers en matière de goth rock et de post-punk, d'où le ton un peu sinistre mais majestueux de la pièce A Strange Kind of Love de Peter Murphy en version solo cette fois-ci, avec sa voix caverneuse exceptionnelle en 1989. Pour se retrouver juste avant avec une chanson originalement popularisée par une toute jeune France Gall en 1966, mais c'est par une espèce rare, une Américaine francophile qu'on l'a entendue ici, d'où le mignon petit accent, April March, alias Eleanor Blake, qui s'est beaucoup fait connaître pour sa reprise de Chick Habit, toujours une chanson de France Gall, originalement français, Laisse tomber les filles, chanson composée par Gainsbourg, et la version Chick Habit d'April March, mais qu'on avait pu entendre dans le film Death Proof de Quentin Tarantino. C'est beaucoup là qu'elle s'est fait connaître. Mais là, c'est avec sa version de cette ère-là de 1995 qu'on l'a entendue, juste après une magnifique pièce toute récente parue en 2020, The Last Song on Earth. Très beau duo d'Adam Melker et Emily Warren, que vous pouvez trouver assez facilement sur SoundCloud, si je ne me trompe pas. Et le tout amorcé par les héros de l'indie folk, le groupe mythique Neutral Milk Hotel, projet de Jeff Mangum, qu'on a entendu à quelques reprises à l'émission. Et cette fois-ci, ben, c'est avec la chanson-titre de leur album culte, In the Aeroplane Over the Sea, de 1998. Qu'on l'a fait. Mais tout ça, c'est pas fini, parce que ce soir, on est 100% acoustique, en plein Mélomanes, édition Unplugged, 99.1 et 88.9, CFNJ. Darkness at the break of noon, shadows even the silver spoon, the handmade blade, the child's balloon, eclipses both the sun and moon, to understand you know too soon, there is no sense in trying. Pointed threats, they bluff with scorn. Suicide remarks are torn from the fool's gold mouthpiece. The hollow horn plays wasted words, proves to warn that he not busy being born is busy dying. Lamentations page flies out the door. You follow, find yourself at war. Watch waterfalls of pity roar. You feel the moan, but unlike before, you discover that you just be one more person crying. So don't fear if you hear a foreign sound to your ear. It's all right, Ma, I'm only sighing. As some worn victory, some downfall, private reasons, great or small, can be seen in the eyes of those that call to make all that should be killed to crawl, while others say don't hate nothing at all except hatred. Disillusion, words like bullets bark as human gods aim for their mark. Make everything from toy guns that spark to flesh-colored Christs that glow in the dark. It's easy to see without looking too far that not much is really sacred. Preachers preach of evil fates. Teachers teach that knowledge waits, can lead to $100 plates. Goodness hides behind its gates. But even the president of the United States sometimes must have to stand naked. And though the rules of the road have been lodged, it's only people's games that you got to dodge. And it's all right, Ma, I can make it. Advertising signs, they con you into thinking you're the one that can do what's never been done, that can win what's never been won. Meantime, life outside goes on all around you. You lose yourself, you reappear. You suddenly find you got nothing to fear. Alone you stand with nobody near. When a trembling distant voice unclear startles your sleeping ears to hear that somebody thinks they really found you. A question in your nerves is lit, yet you know there is no answer fit to satisfy. Ensure you not to quit, to keep it in your mind and not forget that it is not he or she or them or it that you belong to. But though the masters make the rules for the wise men and the fools, I got nothing, Ma, to live up to. For them that must obey authority that they do not respect in any degree, who despise their jobs, their destiny, speak jealously of them that are free, do what they do just to be nothing more than something they invest in. While some on principles baptized to strict party platform ties, social clubs in drag disguise, outsiders they can freely criticize, tell nothing except who to idolize and say God bless him. While one who sings with his tongue on fire gargles in the rat race choir, bent out of shape from society's pliers, cares not to come up any higher, but rather get you down in the hole that he's in. But I mean no harm, nor put fault on anyone that lives in a vault. But it's all right, Ma, if I can't please him.

frost could tell. Just like an old time movie about a ghost from a wishing well. In a castle dark or a fortress strong, with chains upon my feet, you know that ghost is me. And I will never be set free as long as I'm a ghost you can't see. If I could read your mind, love, what a tale your thoughts could tell. Just like a paperback novel, the kind the drugstores sell. When you reach the part where the heartaches come, the hero would be me. The heroes often fail. And you won't read that book again, because the ending's just too hard to take. A movie star who gets burned in a three-way script, into number two. A movie queen to play the scene of bringing all the good things out in me. But for now, love, let's be real. I never thought I could act this way, and I've got to say, I just don't get it. I don't know where we went wrong, but the feeling's gone and I just can't get it back. If you could read my mind, love, what a tale my thoughts could tell. Just like an old time movie about a ghost from a wishing well. In a castle dark or a fortress strong, with chains upon my feet, the story's always in. If you read between the lines, you'll know that I'm just trying to understand the feeling that you lack. Never thought I could feel this way, and I've got to say that I just don't get it. I don't know where we went wrong, but the feeling's gone and I just can't get it back. Au 99.1 et 88.9 CFNJ, c'est Mélomane avec Mathieu Lajoie. Many's the time I've been mistaken, and many times confused. Yes, and I've often felt forsaken, and certainly misused. Oh, but I'm all right, I'm all right, just weary to my bones. Still, you don't expect to be bright and bon vivant so far away from home. So far away from home. I don't know soul who's not been battered. I don't have a friend who feels at ease. I don't know a dream that's not been shattered or driven to its knees. Oh, but it's alright, it's alright. for we lived so well so long. Still, when I think of the road we're traveling on, I wonder what's gone wrong. I can't help it, I wonder what's gone wrong. And I dreamed I was dying. I dreamed that my soul rose unexpectedly. Looking back down at me, smiled reassuringly. And I dreamed I was flying. And high up above, my eyes could clearly see the Statue of Liberty sailing away to sea. And I dreamed I was flying. Well, we come on the ship they call the Mayflower. We come on the ship that sails the moon. We come in the ages most uncertain hours and sing an American tune. Oh, and it's alright. It's alright, it's alright. You can't be forever blessed. Still, tomorrow's gonna be another working day. And I'm trying to get some rest. That's all I'm trying, get some rest. De la Louisiane, dans le bois d'Atacapo, où la rivière joint la levée. Planté dans l'anse est un vieux chêne vert au bord de lac Bijou. Dans son feuillage, les branches font leur crochet, les hirondelles reviennent chaque printemps. Ils se réfugient dedans ce chêne vert au bord de lac Bijou. Au bord de la Bijou. C'était l'année de 57. La première fois je les ai vus. Les deux ensemble se bâtir un nid au bord de la Quand l'hiver était fini, je les appelais Pierre et Marie. Un grand monsieur, noir comme la nuit, sa demoiselle avec lui. Au bord de lac Bijou. barème, ce dernier mois d'avril, je lui ai vu une dernière fois. Un oiseau seul, posé sur sa branche, au bord de la bijou. Il restait tranquille, son cœur a presque cassé, guettant du matin au soir. Jusqu'au dimanche, qu'il est parti aussi, du bord de la bijou. Forbidden lake, the old boats go gliding by, and the leaves are falling from the trees and landing on the logs, and I see the turtles heading for the ball and falling off the log. They make the water splash, and feeling no backlash, they climb the happy banks. On the boats, the old and creaky boats, the shoreline goes gliding by, and the wind that was a dying breeze is making the banners fly. See the colors floating on the sky, the pride of the captain's eye, as he guides the slender craft inside and opens up. Cards on the table lie, and a speech so eloquent and rich was made by a passerby. Passing by the way between here and left behind, ripples through the crowds who run and cast their doubts in the deep forbidden lake. Yes, it echoes through the crowds who cast their doubts in the deep forbidden way. Météo. Un ciel partiellement nuageux cette nuit, minimum de moins 21 à moins 19 degrés. Quelques flocons sont probables. Jeudi, alternance de soleil et de nuages. Maximum de moins 11 à moins 7 degrés. Vendredi, c'est du soleil, moins 15 à moins 13. Et ça demeure aussi ensoleillé pour samedi. Des maximums de moins 13 à moins 12 degrés. CFNJ 89.1 89.9. Et toujours en plein Méloman Unplugged ce soir pour un contenu 100% acoustique, comme vous avez pu sans doute vous en rendre compte au fil du dernier bloc, pour lequel on a reculé un peu dans le temps par rapport à notre premier bloc de la soirée, un bloc constitué entièrement de géants du folk. Et c'est nul autre que Neil Young qui est venu conclure le tout avec une magnifique chanson toute paisible aux allures pastorales, célébrant la nature comme Neil Young va souvent le faire. Lui qui s'est empressé de se procurer un ranch, son petit lopin de terre, ben son grand lopin de terre, bien à lui, à un très jeune âge, en fait, aussitôt que sa carrière a levé un peu. Et il demeure toujours, si je ne m'abuse, sur le même ranch qui s'appelle Broken Arrow. Mais donc, on l'a entendu ici avec Deep Forbidden Lake, une chanson pour laquelle il faut fouiller un peu pour avoir des informations, parce qu'elle était destinée à un projet sous forme d'album qui avait été avorté initialement, un album qui devait s'appeler Homegrown, et qui aurait dû sortir, pour ceux qui connaissent peut-être un peu la carrière de Neil Young, entre l'album On the Beach de 1974 et Zuma en 1975. Mais entre-temps, malheureusement, est survenu deux tragédies qui vont grandement affecter Neil Young. Le guitariste de son groupe Crazy Horse, Danny Whitten, et aussi son ami et roadie du groupe Bruce Berry, vont tous deux périr des suites d'une overdose. Donc, à la place, Neil Young va sortir le très douloureux album Tonight's the Night en juin 75. Un album qui va se vouloir carrément une expression des grands deuils à travers desquels il va devoir passer à ce moment-là. Et c'est tout à fait compréhensible, mais ça va faire en sorte que l'album Homegrown, qui était supposé sortir, va jamais voir la lumière du jour jusqu'à Roulement de tambour 2020, où il va finalement sortir l'album. Mais ironiquement, la pièce qu'on a entendue ce soir, Deep Forbidden Lake, y figure toujours pas, du moins pas sur toutes les versions. Parce que au fil du temps, Neil Young va quand même éparpiller quelques chansons destinées à l'album Homegrown un peu partout, dont sur l'exceptionnelle compilation Decade, parue en 1977. Un album triple, du moins quand on parle de l'album original, ben de la compilation originale en vinyle, en CD, c'est deux albums que je vous conseille vivement. Vraiment une compilation exceptionnelle. Donc, c'était la petite histoire de cette chanson-là, qui était elle-même précédée d'une autre chanson qui nous parlait toujours d'un lac. Mais cette fois-ci, c'était la musique aux accents cajuns de qui d'autre que Zachary Richard, qu'on a entendu avec « Au bord du lac Bijou », magnifique chanson de l'album Cap enragé qui avait octroyé à M. Richard un merveilleux comeback hautement mérité en 1996. Et sinon, juste avant, ben, on a eu droit à un tout jeune Paul Simon au tout début de sa carrière qui prenait son envol fort du succès de son fameux duo Simon & Garfunkel dans les années 60. Il était vraiment parti pour une carrière hyper prolifique. On l'a entendu ici avec American Tune de l'album There Goes Raymond Simon de 1973. Je vous conseille aussi la magnifique version qu'il va faire avec Art Garfunkel lors de leur fameuse réunion à Central Park en 1981. Si vous avez pas vu ce show-là, il faut absolument, il faut voir ça au moins une fois dans sa vie. Garfunkel qui, comme toujours, de sa voix d'ange, va gracier la chanson de magnifiques harmonies vocales. Faut vraiment voir ça si vous avez une chance de le faire. Et on a aussi entendu le Canadien Gordon Lightfoot avec son gros classique du folk « If You Could Read My Mind » de 1971. Une chanson qui, étonnamment, va être reprise en version « Dance » en 1998 par la formation Ultranaté, pour ceux qui s'en rappelleraient. Fun fact. Et sinon, ben, on a été avec un duo de feu, les deux poètes par excellence, du moins certainement deux des plus célébrés, et avec raison. On a entendu le regretter Montreal's Own, Leonard Cohen, hypnotisant comme toujours avec une magnifique pièce un peu plus rare, tirée de son deuxième album en carrière, Songs from a Room de 1969. On a entendu Seems So Long Ago, Nancy, une chanson que mon ami Sylvain Archambault, à l'écoute, a trouvé très belle. Il connaît très bien Leonard Cohen, mais comme je vous dis, une chanson un petit peu plus rare. Une belle découverte. Je vous encourage à entendre, évidemment, les premiers albums de Cohen qui sont exceptionnels. Et cette chanson-là qui suivait la très apocalyptique It's Alright, Ma, I'm Only Bleeding, de nul autre que Bob Dylan, qui amorçait à ce moment-là sa carrière de prophète surréaliste. Un extrait d'un album monumental qui a fait l'effet d'une bombe en 1965, Bringing It All Back Home, qui avait une face entièrement électrique, ce qui va attirer les foudres des milieux puristes du folk, allant jusqu'à se faire traiter de Judas. Aujourd'hui, on perd un petit peu le recul avec tout ça, mais c'était vraiment une hérésie de faire ça. Et une extraordinaire face B entièrement acoustique, un album à écouter avant de mourir, vraiment. Bob Dylan, qui, sans le savoir, était en train d'inventer le folk rock qui est omniprésent aujourd'hui, sans qu'on s'en rende compte. Mais c'est pas tout ça. On a encore plein de belles musiques à se mettre sous la dent. En cette soirée 100% acoustique, Méloman, 99.1 et 88.9, CFNJ. get so high. Of the dead flying through the sky. Oh, I don't know why. Love comes to me. Love comes to me. And when your mouth is laying open, your head knocked back, and you don't cope, you're out of rings and flowers and soap. Love comes to me. Love comes to me. Love comes to me. Love comes and all. It's my hands, my heart, my lips. And that is all. When the fever hits your forehead and intrusive mice chew up your bed, you call on God, and God is dead. Love comes to you. Love comes to you. A sugar, won't you be my only? I'm a hard-hearted honeypot, hungry shepherd, and I'm longing to be born for you. That's her. Love comes to you. Love comes and all. It's your hand, your heart, your lips. That is all. In the nighttime when you feel me, and the backs of your knees can see me, and your eyeball, the unreal me. Love comes to me. Love comes to me. No one could save me but you. It's strange what this I would make foolish people do. I never dreamed that I'd meet somebody like you. And I never dreamed that I'd lose somebody like you. No, I Always have, and I always will. La beauté dispose et n'a besoin de personne. Scandeur, grandeur, on dort autour de soi. Fragile, fragile et solide à la fois. La fin de l'homme ne sera pas la fin du monde. La fin de l'homme ne sera pas la fin du monde. Don't know why Tori came by, but I could see by the look in her eyes. Tori had been driving around the town for a while, playing with the thought of leaving. Tori just smiled and mentioned something about how you arrived. Must have been hard to see through the tears she was hiding. She said, I might not be seeing him soon. I got a few things I've been waiting to do. Says to say goodbye. Looked outside at the car in the drive and the suitcase on the back seat inside. Sure it's so she can't look out behind at the road. Said I might not be seeing him soon. I got a few things I've been waiting to do. Hey, Tori came by. Tori came by tonight. Hey, Tori. She says to say goodbye. Seemed alright. You might be asking, where is Tori tonight? Somewhere out on the highway, I'm sure that she's fine. Au 99.1 et 88.9 CFNJ, c'est Mélomane avec Mathieu Lajoie. Get a fast car. I want a ticket to anywhere. Maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove.

et il va finir par s'écouler à plus de 20 millions de copies, devenant un des tout premiers albums féminins à vendre à plus de 10 millions de copies. Donc, tout un tour de force pour Tracy Chapman. Et tout ce succès-là est bien sûr largement dû à la force de son single « Fast Car » qu'on a entendu ici, chanson intemporelle, qui, pour nous, suivait une chanson plutôt rare de John Mayer au tout début de sa carrière, bien avant tout le succès qu'on lui connaît. En 1999, John Mayer, tout juste sorti du fameux collège de musique Berklee à Boston, va enregistrer un EP, un mini-album de façon indépendante qui va s'appeler Inside Wants Out et sur lequel on va déjà pouvoir retrouver des premières versions de ses chansons qui vont plus tard se retrouver sur son premier album officiel Room for Squares en 2001, des chansons qui vont devenir ses premiers succès comme No Such Thing et Neon. Mais là, on a déterré pour la cause un petit bijou acoustique qui est exclusif au mini-album en question. On a entendu la très belle Victoria, juste après un des enfants chéris du Québec. Le seul et unique Daniel Bélanger avec l'envoûtante La fin de l'homme de son album L'échec du matériel, paru en 2007. Et si vous aimez moindrement Dan Bélanger, ben je vous conseille vivement d'aller écouter le podcast Sans filtre animé par PH Quentin et Dominique Plante qui l'ont reçu comme invité il n'y a pas très longtemps pour une super belle entrevue de fond avec lui. Chose qui est assez rare parce que M. Bélanger se fait habituellement relativement discret. Jay Dutemple l'a aussi reçu à son podcast pas très longtemps après. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, ben vous allez être servi. Et sinon, ben pour nous, on a aussi entendu quelque chose qui, ironiquement, quelqu'un qui a fait un peu parler d'elle cette semaine parce qu'elle a dénoncé des comportements pour le moins choquants perpétrés par le toujours controversé Marilyn Manson. Mais moi, j'aimerais ça que vous la découvriez, si c'est pas déjà fait, pour son immense talent, sa voix, sa plume. On a entendu une relativement nouvelle sensation du folk, la jeune Phoebe Bridgers, un nom à retenir qu'on a entendu avec la magnifique Funeral de 2017. Et juste avant ça, bien, on a eu droit à une très très belle reprise acoustique d'une chanson que vous avez sûrement reconnue, Wicked Game. Énorme succès pour Chris Isaak, bien sûr, en 1989. Mais là, c'est dans une interprétation exceptionnelle de 2013 qu'on l'a entendu avec les magnifiques voix de Peter and Kerry, une version qu'une de mes élèves m'a fait découvrir et qu'on s'est empressé d'interpréter ensemble dans une petite prestation impromptue, dans la mesure du possible, avec la situation avec la COVID et tout, qu'on a fait dans le cadre du programme des arts de la scène au Centre de l'Envol. J'essaierai de vous partager ça sur le groupe Facebook Mélomanes aussitôt que j'aurai accès aux vidéos de la performance qui, si je ne m'abuse, est encore en montage. Faudrait que je demande à Patrick Ruel, directeur technique de la salle, que je salue en passant si jamais il est à l'écoute. Mais là, je m'égare un peu, revenons à nos moutons. Tout ça était précédé de quelqu'un d'énormément respecté sur la scène indie folk. Quelqu'un qu'on appelle Bonnie Prince Billy, qu'il faut absolument connaître et qu'on a entendu en 2006 avec Love Comes to Me, juste après Disarm, gros succès pour les Smashing Pumpkins en 1996. Mais tout ça, c'est pas fini. On est toujours en plein spécial 100% acoustique Caméloman Unplugged ce soir au 99 ans. Et au 88.9 CFNJ. Catch the man.

just can't recall. It doesn't matter at all. tell me what you say. If you could talk to me, what news would you bring? Our voices in the sky. Au 99.1 et 88.9 CFNJ. C'est Mélomane avec Mathieu Lajoie. If my words did glow with the gold of sunshine, and my tunes were played on the harp unstrung, would you hear my voice come through the music? Would you hold it near as it were your own? It's a hand-me-down. The thoughts are broken. Perhaps they're better left unsung. I don't know. Don't really care. Let there be songs to fill the air. Rippled in still water, when there is no pebble tossed, nor wind to blow, reach out your hand. If your cup be empty, if your cup is full, may it be again. Let it be known there is a fountain that was not made by the hands of men. There is a road, no simple highway, between the dawn and the dark of night. And if you go, no one may follow. That path is for your steps alone. Ripples in still water, when there is no pebble tossed, no wind to blow. You can choose to lead, must follow. But if you fall alone. If you should stand, then who's to guide you? If I knew the way, I would take you home. La da da da, la da da da da, la da da da da, la da da da da, la da da da, la da. C'est une maison bleue, adossée à la colline. On y vient à pied, on ne frappe pas. Ceux qui vivent là ont jeté la clé. On se retrouve ensemble après des années de route, et on vient s'asseoir autour du repas. Tout le monde est là à 5 heures du soir. Quand San Francisco s'embrume, quand San Francisco s'allume, San Francisco, où êtes-vous? Lise des Lucs, Sylvia, attendez-moi. Nageant dans le brouillard, enlacé roulant dans l'herbe, on écoutera Tom à la guitare, fil à la quena jusqu'à la nuit noire. Un autre arrivera pour nous dire des nouvelles d'un qui reviendra dans un an ou deux. Puisqu'il est heureux, on s'endormira. Quand San Francisco se lève, quand San Francisco se lève, San Francisco, où êtes-vous? Lise des Lucs, Sylvia, attendez-moi. C'est une maison bleue, accrochée à ma mémoire. On y vient à pied, on ne frappe pas. Ceux qui vivent là ont jeté la clé. Peuplé de cheveux longs, de grands lits et de musique, peuplé de lumière et peuplé de fous, elle sera dernière à rester debout. Si San Francisco s'effondre, si San Francisco s'effondre, San Francisco, où êtes-vous? Lise des Lucs, Sylvia, attendez-moi. Et vous vous trouvez toujours en plein Méloman acoustique ce soir sur les ondes de CFNJ 99.1-88.9 avec des petits relents du fameux quartier Haight-Ashbury situé à San Francisco, pour ainsi dire lieu de naissance de la contre-culture hippie, flower power, etc. Dans les années 60, une époque dont nous parlait Maxime Le Forestier, qu'on vient d'entendre en 1972 avec tout simplement San Francisco, parfois erronément appelé la Maison Bleue. Très belle chanson qui suivait un groupe qui est pas mal synonyme de cette époque-là, justement, qui demeurait carrément dans ce quartier-là et qui sont les instigateurs du mouvement en question. On a entendu Grateful Dead, qui sont surtout connus pour leur happening constitué de longs jams éternels et, disons-le, leur consommation excessive, leur amour insatiable pour le LSD. Mais en 1970, ils vont sortir deux excellents albums majoritairement acoustiques, un après l'autre, qui vont se démarquer un peu du lot. Le premier qui s'appelait Working Man's Dead et le second, American Beauty, duquel on a pu entendre le succès Ripple, coécrit par le guitariste Feu Jerry Garcia, qui, fun fact, était le père de l'acteur Andy Garcia, pour ceux d'entre vous qui le connaissent. Et on a aussi entendu les Moody Blues, dont on a parlé il n'y a pas très longtemps dans notre spécial British Invasion, mais là, on les a entendus un petit peu plus tard qu'en 1964, une fois qu'ils avaient trouvé un peu plus leur son à cheval entre le rock psychédélique et progressif. D'ailleurs, on les cite souvent comme étant le chaînon manquant, si on veut, entre ces styles-là. En 1967, ils vont sortir Days of Future Past, un des premiers albums de rock sur lequel on pouvait entendre une orchestre symphonique et qui a engendré l'énorme succès Nights in White Satin. Et fort de ce succès-là, eh bien, ils vont sortir l'année suivante, en 1968, l'excellent In Search of the Lost Chord, duquel on a entendu ici Voices in the Sky, qui suivait, parlant de prog justement, ben, des géants du prog, Emerson, Lake and Palmer avec From the Beginning, tiré de leur album Trilogy de 1972, qui suivait elle-même les Doobie Brothers en 1974, avec... mais quelle était la tonne? Blackwater. Et les Allman Brothers, deux groupes à ne pas confondre avec leur succès Midnight Rider de 1971. Mais pour ce qui est des Allman Brothers, je vous conseille plus d'aller écouter leur album Live at the Fillmore pour entendre les prouesses de la légende de la slide guitar blues du seul et unique Duane Allman. Et nous, ben, on a le temps pour un dernier petit bloc. Tout ça en plein mélomane acoustique au 99.1 et 88.9 CFNJ. Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Country roads, take me home to the place. Moonshine, teardrop in my eye. Country roads, take me home to the place I belong. West Virginia, mountain mama, take me home. Country roads, I hear her voice. In the morning hour she calls me. The radio reminds me of my home far away. Driving down the road I get a feeling that I should have been home yesterday. Yesterday, country road. Cause I'm missing you. I'm still alright to smile. Girl, I think about you every day now.

place to hide it all. And I'm lost behind the words I'll never find. And I'm left behind the season. How long you go? people say this town don't look good in snow. You don't care, I know. Ventura Highway in the sunshine, where the days are longer, the nights are stronger than around your daylight there. Seasons crying, no despair. Alligator lizards in the air, in the air. Wishing on a falling star, waiting for the early train. Sorry, boy, but I've been hit by a purple rain. Aw, come on, Joe, you can always change your name. Thanks a lot, son, just the same. Ventura Highway are longer, the nights are stronger than moonshine. You're gonna go, I know. Et on est de retour de ce qui va déjà s'avérer être notre dernier bloc acoustique de la soirée à Méloman sur les ondes de CFNJ 99.1-88.9. Et on a tout juste le temps de faire un bref tour d'horizon de ce qu'on a entendu. C'est le groupe America qui est venu clore notre bloc avec l'excellente Ventura Highway de 1972 qui va plus tard être échantillonnée pour devenir Someone to Call My Lover de Janet Jackson en 2001. On a aussi entendu le regretté Chris Cornell, mort beaucoup trop jeune en 2017, surtout connu comme le frontman des légendes du grunge Soundgarden, mais aussi plus tard Audioslave. Mais là, c'est en version solo qu'on l'a entendu en 1992, une pièce qu'on pouvait entendre sur la fameuse trame sonore de Singles, un film hyper représentatif de la glorieuse époque du grunge à Seattle, justement. On a entendu la pièce Seasons. Juste après, pourquoi pas, Guns N' Roses avec leur classique acoustique Patience de 1988, dont Chris Cornell a justement fait une version qu'on peut entendre beaucoup à la radio ces temps-ci. C'est sorti tout récemment en juillet 2020, de façon posthume évidemment. Et sinon, ben, tout ça a commencé avec un gros, gros classique que tout le monde connaît ou presque, Take Me Home, Country Roads de John Denver en 1971. Lui aussi, malheureusement, décédé à peu près au même âge que Chris Cornell dans un écrasement d'avion. Mais la beauté de la musique, c'est qu'on se souvient de façon indélébile de tous ces gens hyper talentueux. Et nous, ben, c'est ce qui met fin à notre rencontre pour ce soir. On se retrouve pour un autre Méloman mercredi prochain dès 20h. Et moi, ben, je vous laisse avec une pièce très intimiste d'un artiste qui s'appelle Bright Eyes, en vous souhaitant un bon restant de soirée à l'antenne du 99.1. et 88.9 CFNJ. I know that it is freezing, but I think we have to walk. I keep waving at the taxis, they keep turning their lights off. Julie knows a party at some actor's west side loft. Supplies are endless in the evening, by the morning they'll be gone. When everything is lonely, I can be my own best friend. I get a coffee and the paper, have my own conversations with the sidewalk and the pigeons and my window reflection. The mask I polish in the evening, by the morning looks like shit. And I know you have a heavy heart, I can feel it when we kiss. So many men stronger than me have thrown their backs out trying to lift it. But me, I'm not a gamble, you can count on me to split. The love I sell you in the evening, by the morning won't exist. You're looking skinny like a model, with your eyes all painted black. You just keep going to the bathroom, always say you'll be right back. Well, it takes one to know one, kid, I think you got it bad. But what's so easy in the evening, by the morning such a drag. I got a flask inside my pocket, we can share it on the train. And if you promise to stay conscious, I will try and do the same. I die from medication, but we sure killed all the pain. But what was normal in the evening, by the morning seems insane. And I'm not sure what the trouble was that started all of this. The reasons are I've run away, but the feeling never did. It's not something I would recommend, but it is one way to live. 'Cause what is simple in the moonlight, by the morning never is. Was so simple in the moonlight, now it's so complicated. It was so simple in the moonlight, so simple in the moonlight, so simple in the moonlight.